Activité 11. Bonjour, c'est la société FMAC. Vous avez participé à notre grand jeu concours le mois dernier. Je vous informe que vous avez gagné une télévision. Félicitations! Rappelez-nous au 02 50 88 23 40 pour nous donner votre adresse et récupérer votre cadeau. Vous pouvez consulter toutes nos offres promotionnelles sur notre site internet www.fmac.fr. Vous avez 30% de réduction sur les lecteurs DVD et 25% de réduction sur les ordinateurs du 9 au 29 mars.